vois-tu? Oh, on est bien là. Il fallait pas y aller. Et elle était sa poêle sur mer. Lui était dans la marine, lui qui travaillait sur la mer. Un samedi soir à l'estacade, ce furent les grandes embrassades. Vu qu'elle était fort amoureuse de son pichet, son pèque-le. Contenter son bec-neuse, car sa mère c'était une bourrique. Elle disait qu'il est fort bardi. Dans ces conditions, tu comprends. Elle ne plus jamais avoir d'enfant. Et la morale de cette histoire, si t'es une fille, la rue va la tu verras comme il est beau.